maman. Bonjour, je m'appelle Boris. Je suis expert solutions énergétiques EDF pour les entreprises. En ce moment, beaucoup de clients me demandent comment réduire l'empreinte CO2 de leur entreprise. Ils savent que c'est important pour la planète et leurs factures. Ils veulent passer à l'action. Alors avec notre offre Décarbone, nous programmons ensemble une visite qui les éclaire sur leur impact CO2 et je leur propose des solutions adaptées à leur entreprise. Mieux pour le climat, mieux pour la facture. EDF. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. La science CQFD, Natacha Triou. Vous avez sûrement vu les magnifiques images du télescope James Webb, celles des anneaux d'Uranus et de Neptune. Comment ces anneaux se sont-ils formés ? Jusqu'à récemment, on pensait que seul Saturne possédait un système d'anneaux, avant de s'apercevoir qu'il s'agissait d'un phénomène assez commun. Il y a plusieurs hypothèses sur leur formation, mais il ne semble pas y avoir de consensus scientifique sur l'une d'entre elles. À cela s'ajoute la découverte d'un nouveau type d'anneau planétaire autour de Quaoar, un objet aux confins de notre système solaire, aux caractéristiques hors normes. Une découverte qui vient taquiner les théories existantes. Anneau planétaire, Saturne par où ? Bruno Sicardi, bonjour. Vous êtes professeur à Sorbonne Université et chercheur à l'Observatoire de Paris, au laboratoire Lesia. Avec nous également Aurélien Crida, bonjour. Allô Aurélien Crida, oui. Vous êtes avec nous. Bonjour, vous êtes professeur à l'Université Côte d'Azur et à l'Observatoire de la Côte d'Azur, au laboratoire Lagrange. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct de France Culture et merci à vous. Pour votre écoute, je vous invite aussi à nous suivre sur Twitter pour notre live tweet riche de sources, d'articles et d'études. C'est tout de suite à @CQFD et c'est à retrouver sur notre page sur franceculture.fr. Jusqu'à 17h, nous parlerons donc de comment des anneaux se forment autour d'une planète ou d'un planétoïde, des différentes hypothèses à l'étude et de comment ces anneaux peuvent jouer un rôle dans la formation des satellites. Quand on dit anneaux planétaires, on pense donc immédiatement à la majestueuse Saturne. En 1980, on peaufine notre connaissance de ces disques, c'est notre archive du jour. L'odyssée de l'espace continue pour la sonde américaine Voyager 1. À 1 milliard de kilomètres de la Terre, les nouvelles photos de la planète Saturne intriguent les astronomes. Elles font même tomber pas mal d'idées reçues. Et alors, qu'y a-t-il de véritablement si nouveau ? C'est la question que Michel Forgit a posée ce matin à un astronome spécialiste des planètes du système solaire, Audouin Dollfus. Il s'agit là d'une très grande étape d'augmentation de nos connaissances sur Saturne. Au télescope, nous avions déjà des données assez fondamentales sur la planète et sur l'existence et la dynamique des anneaux. Mais voilà que, vu de près, les anneaux montrent des structures vraiment très impressionnantes, des petits sous-anneaux, des petites surfaces tressées, des choses comme cela. Et cela, c'est nouveau dans ce sens que nous cherchions à expliquer les anneaux par les lois de la gravité, les lois d'attraction entre les corps qui dirigent et gouvernent tout ce qui se passe dans le système solaire. Mais ces lois simples de la gravité ne peuvent pas tenir compte de ces petites structures observées là, ou pas entièrement en tout cas, il faut quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, ce sont probablement les forces magnétiques. Et on comprend que cette introduction d'un facteur physique nouveau permet de compléter nos informations sur l'anneau et par conséquent, à force de réflexion et dans la période de temps qui va venir et quand on aura le temps de bien digérer cette irruption de données nouvelles, de pouvoir mieux comprendre l'origine et l'évolution et la formation des anneaux de Saturne. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre, Bruno Sicardi ? Je dirais que ça continue. On a des choses nouvelles, des mécanismes nouveaux. Donc en fait, ça date quand même déjà de presque 40 ans. Et il faut dire qu'on a eu des surprises. Donc on va en parler, j'imagine, durant l'émission. Et en particulier, durant les dernières années, la découverte d'anneaux autour de tout petits corps, des espèces de gros astéroïdes, si on peut dire. Et on ne s'attendait pas du tout à ce que ces petits corps, donc qui sont très loin dans le système solaire, puissent avoir des anneaux. Donc ça a été une nouvelle étape. Je crois qu'a été franchi dans l'étude des anneaux qu'on croyait réservés jusqu'à maintenant aux quatre planètes géantes de nos systèmes solaires. Aurélien Crida, vous aussi une réaction à notre archive de 1980. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Bruno Sicardi, c'est-à-dire que on continue à progresser, à faire de nouvelles découvertes. Et moi, j'ai envie de remonter encore avant. Pour moi, ce qui était marquant, c'est la découverte des anneaux de Saturne. Quand Galilée a observé cette planète avec ses lunettes pour la première fois, il a vu qu'elle avait une forme bizarre, mais il n'a pas compris que c'était des anneaux. Et il a fallu attendre Huygens pour réaliser que le fait que Saturne changeait de forme au fil des années, c'était dû au fait qu'il y avait un anneau autour d'elle qu'on voyait plus ou moins par la tranche sur la position de Saturne sur son orbite. Et petit à petit, on a progressé et on continue toujours à se poser des questions. C'est ça qui est chouette. Au départ, avec Galilée, une seule planète, Saturne, qui possède un système d'anneaux. Toute cette histoire, finalement, de découverte des anneaux, des autres géantes et des planétoïdes, c'est de l'histoire récente. Oui, donc un système d'anneaux a été découvert ensuite autour d'Uranus, donc en 1977, par la technique d'occultation stellaire, donc qui consiste à observer des planètes ou des petits corps qui passent devant une étoile, et l'étoile donc va scanner, si on peut dire entre guillemets, l'environnement de la planète, nous indiquer donner des informations sur sa forme, sur l'atmosphère, et on s'est aperçu qu'autour de ces planètes, en l'occurrence Uranus, il y avait du matériau. La grosse surprise pour les anneaux d'Uranus, c'est qu'ils étaient extrêmement étroits, extrêmement confinés. Donc c'est des bandes de matière très denses, mais très confinées. Uranus en 1977, puis deux ans après, celle d'anneaux autour de Jupiter. En 1984, des anneaux autour de Neptune, ces découvertes finalement montrent que l'existence d'anneaux autour des planètes géantes, c'est quelque chose de très commun, Bruno Sicardi. Oui, donc Jupiter, c'est très différent d'Uranus, c'est un anneau extrêmement ténu, c'est essentiellement un peu de poussière, si on peut dire. Donc par rapport aux anneaux d'Uranus et de Saturne, ce sont des anneaux extrêmement ténus, extrêmement fins si on peut dire. Il y a très peu de matériaux. En gros, si vous collectez toute la matière des anneaux de Jupiter, ça va rentrer dans un petit immeuble parisien. Donc vous voyez que c'est très peu de matériaux. Et donc en 1984, j'avais d'ailleurs participé à la découverte des arcs de Neptune, donc des anneaux incomplets, qui ne font pas tout le tour de la planète. Donc ça avait été de nouveau une surprise. Donc de nouveau, la nature nous enseignait des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et donc des bouts d'anneaux, des arcs, qui se trouvaient autour de Neptune et qui étaient observés ensuite et confirmés de manière plus précise par imagerie avec la rencontre de la sonde Voyager, la NASA, en 1989. Aurélien Crida, sur ces surprises de l'histoire récente de l'astronomie. C'est ça qui est fabuleux dans notre domaine scientifique et dans la science en général, c'est qu'on a toujours des surprises et on découvre toujours des choses qui... Souvent les premières découvertes sont des cas qui ne sont pas forcément représentatifs parce que c'est juste les plus faciles à détecter, donc ça peut être des cas extrêmes. Et ça a été le cas avec les exoplanètes où les premières qu'on a trouvées sont des Jupiters chauds qui s'avèrent au final, ces planètes géantes près de leur étoile, être rares parmi la population d'exoplanètes. On pourrait faire l'analogie que les anneaux planétaires, c'est pareil. Les anneaux de Saturne, c'est le cas magistral d'anneaux remarquables, bien visibles, bien massifs. Et puis en fait, il y a d'autres cas possibles qui sont plus difficiles à détecter, mais qu'on a fini par voir après, et ça enrichit tous nos modèles. Oui, voilà. Et puis, Bruno Sicardi, on a longtemps cru que les anneaux étaient l'attribut exclusif des quatre planètes géantes, mais les planètes Wide aussi ont droit à leurs anneaux. Oui, donc ça, c'était en 2013. En fait, je faisais partie d'un projet, je dirigeais un projet qui a réalisé des campagnes d'occultation de nouveau, et on voulait avoir la forme d'un petit objet qui s'appelle Chariclot, qui est un objet qui orbite entre Saturne et Uranus, qui fait à peu près 250 km de diamètre. Et donc on voulait avoir sa forme et on soupçonnait qu'il y avait une activité cométaire autour de ce corps. Donc on voulait avoir éventuellement des renseignements sur cette poussière qui pouvait entourer le corps Chariclot. Et à notre grande surprise, on a vu l'étoile disparaître un petit peu avant et un petit peu après l'occultation par Chariclot lui-même. Et donc là, on s'est gratté la tête. Et en fait, il y avait dans le consortium d'observation, il y avait plusieurs collègues, donc on était tous des... en sciences planétaires, sauf un qui était astrophysicien, qui s'occupait d'autre chose, plutôt de cosmologie, et qui a dit à un moment donné, vous grattez la tête, mais s'il y a du matériau autour de ce petit corps, un Chariclot, donc c'est peut-être un anneau. Donc on a tout dit, non, c'est impossible, on ne peut pas avoir un anneau autour d'un petit corps. Et puis au bout d'une heure, on a dit, ouais, t'as raison, je crois que c'est un anneau qu'on vient de voir. Et donc, ça veut dire qu'on a été complètement surpris, et ça montrait que c'est un anneau dense, un petit peu... comme ceux d'Uranus, et c'est la première fois qu'un gros astéroïde était observé avec un anneau autour. Et donc là, ça a été vraiment une surprise parce qu'on pensait que les anneaux apparaissaient autour d'une grosse planète. Donc c'était le résidu de matériaux primordial qui se forment avec la planète, avec du gaz, la poussière, des satellites qui se forment. Donc ça devait être quelque chose qui requérait beaucoup de matériaux et donc qui était exclusif aux planètes géantes. Mais en fait, on avait un total manque d'imagination, c'est-à-dire qu'en fait, visiblement, les petits corps peuvent arriver tout seuls dans leur coin à avoir des anneaux autour sans qu'on demande rien. Et donc, de nouveau, il y avait cette leçon en fait, qui était apprise, et que la nature a énormément d'imagination et nous montre des contextes auxquels on n'avait pas pensé et qui s'avèrent. Ensuite, on a pensé à ça, on a vu que c'est un anneau, on a ses propriétés, etc. etc. Et on a fait des simulations numériques, on en parlera tout à l'heure, pour montrer que c'était peut-être explicable pourquoi il se trouvait là. Voilà. Vous êtes un véritable chasseur d'anneaux, Bruno Sicardi, puisque Chariclo en 2013, puis 3 ans après, découverte d'anneaux avec Ouméa, puis Quawar. Donc à Ouméa, c'était oui, effectivement donc en 2017, de nouveau une occultation qui a été observée par différents endroits en Europe, d'ailleurs, différents pays européens. Et là, alors à Ouméa, c'est beaucoup plus gros que Chariclo, c'est à peu près 5 fois plus gros, ça ressemble un peu en taille à Pluton. Mais c'est beaucoup plus allongé, donc c'est une sorte de Pluton, si on peut dire, en forme de cigare. Et donc là, on voulait peaufiner la forme du cigare, puisque on pouvait pas la voir sur les télescopes par imagerie classique, on observait ça, et donc on a vu la forme de cigare, on l'a améliorée par rapport à ce qu'on estimait auparavant, et de nouveau, l'étoile avait disparu un petit peu avant et un petit peu après. Voilà. Donc de nouveau, on disait, ah voilà, un anneau autour d'Ouméa qui n'a rien à voir en point de vue orbite, masse, etc. avec Chariclo. Donc on cherchait ensuite des anneaux autour d'objets similaires à Chariclo. Et on en trouve un autour d'un objet qui était complètement différent de Chariclo. Alors une surprise, c'est que cet anneau, point de vue de son orbite autour d'Ouméa, il fait un tour autour d'Ouméa lorsque Ouméa fait 3 tours sur lui-même. Et aux surprises, c'est la même chose pour Chariclo, c'est-à-dire qu'une particule des anneaux de Chariclo fait un tour autour de Chariclo lorsque Chariclo fait 3 rotations sur lui-même. Donc on dit, ah, voilà, est-ce que la nature, de nouveau, n'est pas en train d'essayer de nous dire quelque chose que ce qu'on appelle ce phénomène de résonance, donc 1-3, à cause de ce ratio 1-3, pourrait expliquer la présence. Voilà. Aurélien Crida, là à présent on part à la recherche d'exo-anneaux, d'exoplanètes avec le cas exceptionnel de J1407B. C'est lui le véritable seigneur des anneaux. Ah oui, là c'est un cas vraiment exceptionnel où de même que les occultations d'étoiles sont observées par Bruno Sicardi pour voir la lumière cachée par un objet du système solaire qui passe devant, on cherche aussi parfois des exoplanètes en attendant que la planète elle-même passe devant son étoile. Donc ça fait pas une occultation parce que la planète est plus petite que son étoile, mais ça va diminuer un petit peu la luminosité de l'étoile pendant un bref temps. On appelle ça un transit. Et là, autour de cette étoile, la courbe de lumière obtenue était incroyable avec l'étoile qui était cachée, puis revenait, puis cachée, puis revenait plusieurs fois pendant très longtemps, ce qui a été interprété par le fait que ce qui serait passé devant, ce serait un objet qui ferait quelque chose comme 8 fois la masse de Jupiter, je crois, avec des anneaux immenses, similaires à ceux de Saturne, avec des zones qui sont opaques et des zones qui sont transparentes, et qui ont comme ça caché et laissé passer alternativement la lumière de l'étoile pendant plusieurs heures. Mais le problème, c'est que maintenant, il n'y a plus de transit, et donc on a du mal à en savoir plus sur cet objet. Bruno Sicardi, sur cette exoplanète, cette super Saturne. Oui, c'est extraordinaire. Déjà, pour donner un ordre de grandeur, c'est comme si on mettait un anneau énorme autour de Jupiter dans notre système solaire et il occuperait une bonne partie du ciel, en fait. Donc, vous verriez Jupiter se lever dans le ciel et on verrait un énorme anneau à l'œil nu. Donc, on n'est pas en train de parler d'un anneau un peu plus grand que ceux de Saturne ou un peu plus grand que ceux de Jupiter. C'est quelque chose qui occupe un volume considérable, donc de plusieurs dizaines de millions de kilomètres. Et donc là, on se gratte la tête de nouveau. En particulier, on en reparlera tout à l'heure sur les problèmes de limite de Roche. Cet anneau est très loin de la planète en question. Et pourquoi il ne disparaît pas assez rapidement pour s'accréter et former des satellites de cette planète en question? Donc, quelles sont les échelles de temps? Est-ce qu'on a la chance de le voir actuellement, mais il va disparaître rapidement? Alors, rapidement, entre guillemets, ça vient quelques millions d'années. Ou est-ce que c'est une structure qui peut rester stable, comme cela, pendant des milliards d'années ou pas? Alors, si on sait maintenant que Saturne n'est pas une exception, que la présence d'anneaux autour des planètes est en réalité assez commune, sait-on comment ces anneaux se forment? Quelles sont les hypothèses à ce sujet? On répond à ces questions dans quelques instants. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. 16h14 sur France Culture, avec Bruno Sicardi, Aurélien Crida, nous parlons d'anneaux planétaires. Nous venons de voir qu'il s'agissait d'un phénomène plus courant qu'on ne le pensait. Bruno Sicardi, qu'est-ce qu'un anneau finalement? Qu'est-ce qui caractérise les anneaux planétaires? Donc un anneau, c'est un ensemble de millions et de millions, voire de milliards de particules en collision autour d'une planète, ou éventuellement autour d'une étoile, donc c'est du matériau qui n'est pas accrété, qui n'est pas aggloméré en satellite ou en planète, et qui forme un immense ensemble sous forme de disque qui tourne autour du corps central. Et les particules à l'intérieur de ce disque se cognent, donc rentrent en collision en permanence. Et la question, c'est de savoir dans quelles conditions elles peuvent rester sous cette forme. Donc dans certaines conditions proches des planètes géantes ou des corps dont on a parlé tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle des forces de marée. Et ces forces de marée empêchent les particules de s'accréter les unes aux autres. Et donc ces anneaux observés jusqu'à maintenant, donc jusqu'à Kawa, étaient tous des systèmes énormes de particules en collision proches des planètes et qui restaient sous cette forme collisionnelle, donc grâce ou à cause des forces de marée entre les particules. Et patatras, donc Kawa a un petit peu remis tout ça en question. Aurélien Crida. Oui, les forces de marée, c'est la clé a priori, parce que pour Saturne, ça marche très bien. On sait calculer à partir de quelle distance de Saturne les forces de marée vont être perdantes par rapport à l'autogravité de ces particules, de ces blocs qui constituent les anneaux qui vont vouloir s'agglomérer les uns les autres. Et le calcul théorique que je fais faire à mes étudiants en master, c'est pas très compliqué, donne 140 000 km, ce qui est exactement le bord des anneaux. Donc on a en théorie, en principe, l'explication pour laquelle les anneaux existent proches des planètes géantes, c'est que les objets solides qui sont en orbite continuellement autour de la planète, quand ils se rapprochent, ils sont séparés immédiatement par les forces de marée, ils n'arrivent pas à s'agglomérer les uns les autres. Pour bien comprendre ça, on peut revenir à l'origine des forces de marée. On appelle ça force de marée parce que c'est les forces qui font les marées océaniques sur Terre à cause de la gravitation de la Lune. La Lune attire la Terre, de même que la Terre attire la Lune, et l'attraction gravitationnelle de la Lune est plus forte proche dessus, quand on est près de la Lune, sur la face de la Terre qui fait face à la Lune, qu'au centre de la Terre, que de l'autre côté. Donc la Terre est ainsi étirée et prend la forme d'un ballon de rugby dont l'axe pointe vers la Lune. Évidemment, les continents ne sont pas très mobiles, les océans bougent plus facilement, prennent cette forme, et donc on voit monter le niveau de la mer deux fois par jour, une fois quand on est du côté de la Lune et une fois quand on est de l'autre côté. Ça, c'est la théorie simple. Maintenant, imaginez qu'à la place de la Lune, vous mettez Saturne, qui est 10 000 fois plus massive, et que vous la mettez plus près pour que ses forces de gravité soient plus fortes, vous allez avoir les océans qui vont carrément décoller. Et donc, la Terre éclate et se retrouve sous forme d'anneau autour de Saturne. Voilà pourquoi les anneaux restent sous forme d'anneaux. C'est à cause des forces de marée, et la limite entre là où les marées dominent et là où la force de gravité de l'objet central est trop faible et ne va pas casser les satellites s'appelle la limite de Roche, du nom de Édouard Roche, qui était un scientifique de Montpellier au 19e siècle, qui l'a calculé. Et donc, en théorie, ça explique très bien les anneaux, ça marche bien pour Saturne en tout cas. Mais comme Bruno l'a souligné, pour Kawar, ça pose des problèmes. Oui, voilà, là on arrive à un point très important pour bien comprendre cette émission et tout ce qui s'ensuit, Bruno Sicardi, c'est cette fameuse limite de Roche, calculée, comme vous venez de dire, au 19e siècle par Édouard Roche. Plus précisément, Bruno Sicardi, à quoi correspond cette limite? Donc cette limite, comme l'a dit Aurélien, c'est la limite en deçà de laquelle cette force de marée va être suffisamment forte pour que l'autogravité du corps, du satellite, ne puisse pas résister. Et donc le corps va être brisé. Ou à contrario, si deux particules à l'intérieur de l'anneau tentent de s'approcher l'une de l'autre et par gravité mutuelle vont se coller l'une à l'autre, immédiatement la planète va les séparer. Et ça marchait bien, en particulier pour Saturne. On voit que les anneaux, en gros, sont bien à l'intérieur, à la limite de roche de Saturne, comme Aurélien l'a indiqué. Et quand on s'éloigne des anneaux, on voit de petits satellites qui arrivent à subsister, hein, malgré les forces de marée. Et puis quand on s'éloigne de plus en plus de Saturne, ces satellites deviennent de plus en plus gros. Et donc, on passe d'un régime collisionnel où les anneaux n'arrivent pas à s'accréter et restent sous forme d'anneaux, donc. Un mélange de petits satellites, d'anneaux, où on voit que la lutte est à peu près égale, enfin les forces sont à peu près égales. Et ensuite, donc au-delà de cette limite, bien au-delà, on n'a que des satellites. Et Kawar, c'est l'exact opposé. Donc c'est un anneau qui a été découvert lors de nouveau d'occultations stellaires. Et il est à 7,4 rayons de Kawar, alors que la limite de roche de Kawar, c'est en gros estimé entre 2 et 3 rayons. Donc on est à 2. Plus de deux fois trop loin pour que l'anneau subsiste. Donc, en gros, il devrait disparaître en quelques mois, puisque les forces de marée sont très faibles à ce niveau-là, et il devrait disparaître et former un satellite. Donc, soit on a eu beaucoup de chance, c'est-à-dire sur les 4,5 milliards d'années du système solaire, on l'a observé juste au moment où il venait de se former, il est en train de redisparaître et de reformer un satellite, soit il y a d'autres choses. Il y a d'autres mécanismes, et ça, c'est ça qu'on a donc examiné, d'une part dans le papier de Nature, donc d'une part montrer l'observation, et d'autre part donner une explication. Ça reviendra justement sur comment élucider le mystère de Kawar un peu plus tard dans cette émission. Mais avant tout, il faudrait peut-être aussi, Aurélien Quidin, rappeler les hypothèses sur la formation des anneaux. Est-ce qu'il y a une hypothèse qui semble plus probable qu'une autre à l'heure actuelle, Aurélien Quidin? Alors, je vais vous parler des anneaux de Saturne, parce que c'est ceux que je connais le mieux, et c'est certainement pas les mêmes hypothèses pour former des anneaux autour d'une planète géante et autour des planétoïdes. Donc, pour ce qui concerne Saturne, il y a une particularité des anneaux de Saturne qui doit être prise en compte pour les modèles de leur formation, qui est qu'ils sont quasiment faits exclusivement de glace d'eau. 99% des anneaux de Saturne, de la masse des anneaux de Saturne, c'est de l'eau, H2O. Donc on pourrait vraiment aller prendre un des glaçons des anneaux de Saturne, qui font entre 10 cm et 10 mètres, et le mettre dans un verre pour l'apéritif, c'est presque potable. C'est extraordinaire parce que dans le système solaire, on n'a rien qui a une composition pareille. Même les comètes, qui sont des boules de neige sale, c'est plus sale que neige. C'est à peu près moitié-moitié entre eau et autres composants. Donc, pour expliquer l'origine des anneaux de Saturne, il faut trouver un moyen de séparer la glace du reste. Et alors, le modèle qui, personnellement, me semble le plus convaincant, a été proposé en 2010 par Robin Canup, c'est une chercheuse américaine, qui a suggéré que Saturne pouvait avoir d'autres satellites aussi gros que Titan, Jupiter en a 4, par exemple. Ces satellites qui se forment normalement autour des planètes géantes, de la même manière que les planètes se forment autour des étoiles, c'est une sorte de formation planétaire en miniature pendant l'époque où les étoiles sont entourées d'un disque de gaz et de poussière, les planètes géantes s'entourent elles-mêmes de leur propre disque de gaz et de poussière, forment un mini-système planétaire dedans. Et donc, ces satellites assez gros vont se différencier, c'est-à-dire que par gravité, il va y avoir de la ségrégation entre les matériaux denses et les matériaux légers, comme la Terre a un noyau métallique et un manteau rocheux. Ces satellites vont avoir un noyau rocheux, métallique, avec plein de cochonneries, et un manteau glacé de pure glace. Si un de ces satellites suit un phénomène de migration planétaire et se rapproche de Saturne, il va rentrer dans la limite de roche, et là, les forces de marée vont arracher préférentiellement la partie la plus légère, donc la partie glacée. Et le satellite va ainsi continuer à migrer vers Saturne en devenant de plus en plus dense en moyenne, en perdant son manteau, en se faisant éplucher en quelque sorte. Et le noyau bien dense est capable, lui, de résister aux forces de marée. Il plonge dans Saturne et il laisse derrière des débris de glace quasiment pure. Ça, c'est un modèle qui, à mon sens, marche très bien parce qu'il produit des anneaux de pure glace. Par contre, ce modèle, il a un défaut sur lequel on pourra revenir quand on parlera des interactions avec les satellites, c'est qu'il produit des anneaux qui ont une masse qui est au moins la masse du manteau d'un gros satellite différencié. Donc ça fait 1000 fois plus que les anneaux actuels. Et donc là, après, ça pose d'autres questions. Il faut se poser la question de l'évolution des anneaux. Bruno Sicardi. Oui, donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les anneaux observés autour de ces planètes géantes ont peut-être eux-mêmes des origines différentes. Et a fortiori, les anneaux découverts autour des petits corps dans les dernières années ont également peut-être des origines très différentes. Donc, même si maintenant ils ont des mécanismes communs, des confinements, des phénomènes de résonance qu'on observe donc, autour de Charicloud, autour de Saturne, il se pourrait que l'origine elle-même soit différente. Par exemple, actuellement, on est en train de soupçonner un anneau, du matériau autour d'un nouveau corps, donc un nouveau petit corps. L'hypothèse, c'est que ce matériau qu'on observe, donc toujours par occultation stellaire, est variable d'une année sur l'autre. Il se pourrait que cet anneau en formation, en guillemets, qui est en train de se former sous nos yeux, soit provoqué par l'éruption de matériaux à la surface de ce corps, qui s'appelle Chiron. Donc ce corps Chiron perd de la matière, la glace sublime sous l'action des forces des rayons solaires, et alimente l'environnement en glace ou en poussière. Et donc la formation ne serait pas externe, donc un satellite qui se rapprocherait de Saturne et qui se brise à l'intérieur de la limite de roche de Saturne, mais une formation interne. C'est-à-dire que le corps est en train d'éjecter du matériau dans l'espace et va alimenter quelque chose qui va un jour ou l'autre former un anneau. Qui à la fin va avoir des similitudes au point de vue dynamique avec l'anneau de Saturne, mais qui au point de vue origine peut être très différent. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas non plus dire on a expliqué les anneaux de Saturne et on va appliquer donc ce même modèle à d'autres anneaux. Donc il se pourrait et que l'anneau d'Aoméa soit d'origine différente. On sait qu'Aoméa a soumis un impact très fort. Bon, il y a disons qu'on observe des fragments de corps qui partagent l'orbite d'Aoméa, qui pourraient être le résultat d'un impact très fort. Donc l'anneau d'Aoméa pourrait être dû, non pas à un mécanisme donc, d'alimentation par le bas, si on peut dire, mais d'un gros impact qui est venu frapper Aoméa et qui a créé un disque donc, de glace autour d'Aoméa et qui lui-même est devenu un anneau. Oui, quoi qu'il en soit, l'origine des anneaux serait différente selon le corps considéré. Exactement, oui. Aurélien Crida, pour revenir sur Saturne, puisqu'il y a un conflit entre de nombreuses hypothèses, hein, il y a des théories qui prônent une formation très ancienne de ces anneaux et celles qui prônent une formation très récente. Celle dont je vous ai parlé se passe nécessairement lors de la formation du système solaire. Donc ça nous fait des anneaux anciens qui ont le même âge que la planète Saturne à peu près, puisque ça a lieu lors de la présence de gaz autour des planètes. Or, depuis 2017, on a un grand débat dans la communauté sur l'âge des anneaux de Saturne. À la fin de la mission Cassini, le Jet Propulsion Laboratory de Californie a affirmé avoir mesuré l'âge des anneaux et que cet âge est de 100 millions d'années seulement, c'est-à-dire qu'ils ont dit que les dinosaures sur Terre auraient pu voir Saturne sans anneaux s'ils avaient eu des télescopes. Ça avait évidemment fait grand bruit, mais on n'a aucun modèle crédible pour expliquer la formation d'anneaux aussi récemment, aussi pur en glace. Il y a des modèles qui ont été proposés depuis, mais ils ont tous plus ou moins leurs points faibles. Et donc on se retrouve avec une situation où on a, moi j'aime bien caricaturer un peu en disant qu'on a d'un côté des observateurs qui disent aux théoriciens de se débrouiller pour revoir leurs modèles parce qu'eux ils ont mesuré l'âge des anneaux, c'est comme ça, ils ont 100 millions d'années. Il y a un moment même quand on tapait dans Google l'âge des anneaux de Saturne, on trouvait 100,1 millions d'années, comme si c'était un chiffre crédible. Mais de l'autre côté, on a des théoriciens comme moi qui disent qu'on n'a aucun modèle pour expliquer les anneaux jeunes, donc la mesure doit être fausse. Alors en fait, tout est dans l'interprétation des mesures. Et ce qui est mesuré, ce n'est pas l'âge des anneaux. La mission Cassini a mesuré trois quantités. La masse des anneaux, la composition des anneaux, c'est-à-dire la fraction de poussière dans la glace, qui est de moins de 1%, et le flux de micrométéorites qui sont faites de silicates et d'hydrocarbures, donc de poussière et de pollution, de cochonneries, qui tombent sur les anneaux. Les Américains ont multiplié les deux premiers chiffres, divisé par le troisième, ça donne un temps, 100 millions d'années, et ils ont dit à tout le monde en conférence de presse que c'était l'âge des anneaux. Mais tout ce qu'on peut dire avec ça, c'est que les anneaux semblent n'avoir été exposés au bombardement météoritique que depuis 100 millions d'années. Mais ça pourrait être juste une apparence, un peu comme, vous savez, toutes ces célébrités à la peau liftée, tendue, botoxée, qui ont l'air jeunes à première vue, mais si on fait une analyse un peu plus fine, on se rend compte que c'est pas le cas, qu'elles sont vieilles. Donc le temps obtenu là par ces calculs tout simples, c'est ce qu'on devrait appeler plutôt l'âge d'exposition, c'est-à-dire la durée pendant laquelle les anneaux semblent avoir été exposés au bombardement. Pour que cet âge d'exposition soit égal à l'âge réel des anneaux, il faut faire trois hypothèses qui sont implicites dans la communication de la NASA, à savoir d'abord que les anneaux ont une masse constante, que le taux de bombardement lui-même est constant, et que les anneaux conservent toute la pollution qu'ils reçoivent. Et aucune de ces trois hypothèses n'est bien justifiée. Donc, moi, je persiste à penser, avec de nombreux collègues, que les anneaux sont plus probablement vieux Et pour ça, le modèle de Robin Canup semble le plus crédible. On n'arrive pas encore à se mettre d'accord sur l'origine des anneaux, mais on commence à se dire que ces derniers jouent un rôle important dans la formation des satellites. Dans quelle mesure ces anneaux peuvent jouer un rôle justement dans la naissance des satellites ? Restez à l'écoute. Beyoncé à 16h31 sur France Culture. Put a ring on it. On parle d'anneaux, oui. D'anneaux planète Terre. Explication à donner, alors finalement. Une chanson à donner. Mais voilà. Toutes les explications nécessaires. Je suis très contente, Bruno Sicardi, que vous soyez sensible à notre programmation musicale. Bruno Sicardi, je rappelle que vous êtes professeur à Sorbonne Université, chercheur à l'Observatoire de Paris, au laboratoire Alésia. Et nous sommes également avec Aurélien Crida, professeur à l'Université Côte d'Azur et à l'Observatoire de la Côte d'Azur au laboratoire Lagrange. Nous venons de voir dans un premier temps qu'il n'y avait pas de consensus sur la naissance des anneaux de Saturne. Parlons à présent de la relation entre anneaux et satellites. Des anneaux planétaires peuvent être à l'origine des lunes. Bruno Sicardi, deux modèles sont généralement proposés pour expliquer la présence des lunes autour des planètes du système solaire. Oui, donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'intérêt des anneaux, pour revenir quand même à quelque chose peut-être plus global, c'est que ce sont des systèmes naturels collisionnels. Donc ce sont des sortes d'énormes laboratoires dans lesquels les particules se cognent. Et donc, ils sont en train de nous montrer ce qui se passe dans un disque où des particules entrent en collision, se séparent ou pas. Et en particulier, lorsqu'on se rapproche de la limite de roche des anneaux de Saturne, donc de Saturne, il y a eu des images à très haute résolution. Et quand on se rapproche de cette limite, à l'extérieur des anneaux de Saturne, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de grumeaux, de petites choses, de grosses particules ou de petits satellites. Et donc, on pourrait être en train de voir en temps réel dans ces... Enfin, on est en train de voir en temps réel dans cette limite anneaux-satellites des choses qui sont en train de se former, qu'on n'a pas trop envie d'appeler des satellites parce qu'ils sont pas vraiment très gros, ils ont l'air de se détruire aussi sur une certaine échelle de temps. Et puis un jour, peut-être qu'ils seront suffisamment grands. Et une fois qu'ils sont suffisamment grands, ils peuvent interagir avec l'anneau, mais avoir ce qu'on appelle les mécanismes de répulsion. Alors c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais en gros, l'interaction gravitationnelle de ces petits satellites avec les anneaux font que, de manière un petit peu paradoxale, ces satellites s'éloignent de l'anneau. Et en s'éloignant de l'anneau, et donc ils vont être de moins en moins soumis à ces forces de marée de Saturne, et donc ils peuvent rentrer eux-mêmes en collision entre eux, et donc s'accréter et former des satellites de plus en plus gros. Donc c'est une sorte de route pour former des satellites et qui vont ensuite s'éloigner et former des satellites en tant que tels, et donc accréter du matériau. Alors je pense qu'Aurélien a beaucoup travaillé là-dessus, donc il pourra peut-être en parler un petit peu. Oui, Aurélien Crier, vous avez travaillé sur la formation des satellites de Saturne, et vous expliquez d'ailleurs par le rôle important des anneaux. Dans quelle mesure justement les anneaux de Saturne ont joué un rôle si important dans la formation de ces satellites ? Eh bien, tout part de ce que Bruno Sicardi a très bien décrit, c'est-à-dire que quand le matériel qui constitue les anneaux s'éloigne de Saturne, la force de collision, forcément, ça se dissipe un petit peu, hein, les anneaux ont tendance à s'étaler. Quand il passe au-delà de la limite de Roche, il va avoir tendance à coalescer et former des satellites. Et là, c'est Sébastien Charnoz, avec qui j'avais travaillé en 2010, qui a commencé à modéliser la formation des petites lunes de Saturne. Et puis, ce qui n'était que la formation de quelques petits objets comme Janus, Épiméthée, Prométhée, Pandore, a fini par se généraliser. Début 2010, il y a eu une aventure scientifique que je trouve extraordinaire, où on a complètement changé de paradigme sur notre compréhension de formation des satellites, en incluant les anneaux, grâce à trois résultats qui, chacun, est incohérent ou impossible, mais qui, mis ensemble, dessinent une nouvelle histoire. Le premier, c'était celui dont je vous ai parlé tout à l'heure pour la formation des anneaux, le modèle de Robin Canup, qui crée des anneaux constitués de 100% de glace d'eau, ça c'est bien, mais 1000 fois plus massifs que les anneaux actuels. Donc ça pose problème. Mais on a fait un article avec Julien Salmon, qui était doctorant sous la direction de Sébastien Charnoz et d'André Brahic, dans lequel on a montré que des anneaux ont tendance à s'étaler naturellement. Je vous parlais des collisions et toutes les interactions entre ces particules. Et plus ils sont massifs, plus ils s'étalent vite. C'est ce qu'on a trouvé. Et donc, quelle que soit la masse initiale des anneaux, les anneaux les plus massifs vont s'étaler plus vite et perdre de la masse rapidement et rattraper les autres. Et donc, on arrive, après 4 milliards d'années, à une masse qui est la même, quelle que soit la masse initiale des anneaux, et qui correspond à peu près à la masse actuelle des anneaux de Saturne. Donc ça rendait possible le modèle de Canup, sauf que toute cette masse, il fallait qu'elle aille quelque part. Et donc, il fallait qu'elle engendre des satellites. Or, ces satellites, ils peuvent s'éloigner progressivement des anneaux avec les interactions entre les satellites et les anneaux eux-mêmes, comme Bruno Sicardi vient de l'expliquer, mais ça marche jusqu'à une petite distance. Au bout d'un moment, l'interaction gravitationnelle entre les satellites et les anneaux devient négligeable. Et là, on a besoin qu'ils s'éloignent avec les interactions de force de marée avec la planète Saturne elle-même. Puisque Saturne est déformée en forme de ballon de rugby par les satellites, elle a tendance à tourner sur elle-même plus vite, donc le ballon de rugby est entraîné, donc ça accélère aussi le satellite. C'est un peu complexe, mais c'est la même manière que la Lune s'éloigne de la Terre. Or, depuis les années 60, on considérait que l'effet des marées de Saturne sur les satellites était faible et qu'ils ne pouvaient migrer qu'à des vitesses infinitésimales, puisque les satellites étaient observés autour de Saturne et qu'on pensait qu'ils avaient été là depuis toujours, depuis la formation du système solaire. Donc notre modèle où les satellites s'éloignent des anneaux jusqu'à former les satellites actuels ne pouvait pas marcher sous ces conditions. Mais intervient là le troisième résultat qui vient de Valérie Lenet, qui travaille à l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides à l'Observatoire de Paris, et qui a, lui, observé la migration des satellites de Saturne. Il a réussi à la mesurer en comparant les données de Cassini à des plaques photographiques du 19e siècle qui sont stockées à l'Observatoire de Paris. Et il a vu qu'en fait, les lunes de Saturne migrent très vite, à tel point qu'elles n'ont pas pu être là depuis 4 milliards d'années. Et donc, il a eu beaucoup de mal à faire admettre son résultat à la communauté, parce que ce que les lunes de Saturne migrent vite semble impossible, puisqu'elles sont là. Mais inversement, si on met tout ça ensemble, eh ben on a un nouveau scénario cohérent, où les anneaux étaient très massifs initialement, ils se sont étalés, ils ont donné naissance à des satellites qui se sont éloignés rapidement. Et là, on a cette fois-ci les satellites de Saturne, tous les satellites de Saturne intérieurs à Titan, qui se seraient formés à partir de l'étalement des anneaux. Voilà, vous montrez que c'est valable pour toutes les lunes de Saturne. On va continuer de parler de Saturne, mais cette fois-ci hein, des interactions hein, planète et anneaux. Une étude récente a mis en évidence un phénomène qui était méconnu, ces anneaux pleuve sur l'atmosphère de la planète. Bonjour Antoine Beauchon. Bonjour Natacha, bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour le reportage du jour, vous êtes parti à la rencontre de l'auteur de cette étude. Oui, il s'agit de Lotfi Benjafel, qui est astrophysicien et chercheur CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris. Comme vous le disiez Natacha, les anneaux de Saturne pleuvent entre guillemets sur l'atmosphère de la planète géante. On estime même à environ 10 tonnes la quantité de matière qui tombe chaque seconde des anneaux en direction de la planète. Lotfi Benjafel s'est penché sur ce phénomène et s'est posé la question des conséquences de cette chute de matière sur l'atmosphère de Saturne. Ces résultats ont d'abord une conséquence sur la compréhension d'un phénomène qui n'était pas bien compris jusqu'à la chute de la sonde Cassini dans l'atmosphère de Saturne, mais la méthode utilisée pourrait également être employée pour trouver ailleurs que dans notre système solaire des exoanneaux autour d'exoplanètes encore jamais observées. Là, on a un exemple formidable qui est celui de Saturne avec des anneaux massifs qui peuvent polluer donc, l'atmosphère. Donc, les deux questions qui se posaient devant nous, c'était est-ce que, premièrement, cette pollution à partir des anneaux modifie la composition de l'atmosphère de Saturne ? Et deuxièmement, est-ce que le bilan énergétique change ? Alors, la réponse à la première question a été donné par le grand plongeant de la sonde Cassini dans l'atmosphère de Saturne, qui a montré qu'il y a un puits de particules de toutes les tailles, des latitudes différentes à partir de l'équateur, et on avait estimé quelque chose plus que 10 tonnes de matière par seconde qui tombait sur la planète. Restait la deuxième question. Est-ce que le bilan énergétique de notre planète de Saturne est modifié par cet apport-là. Et donc, on n'avait pas de réponse à cette question-là, même avec la sonde Cassini. Et donc, là est venue l'idée d'utiliser l'élément, disons, dominant dans la haute atmosphère de Saturne, qui est l'hydrogène neutre. Et donc, on s'est dit, on va remonter dans le temps, regarder ce qui a été obtenu depuis les années 80, avec la première visite des sondes voyageurs, et regarder les données qui ont été obtenues, regarder ce que ça donne. Et en même temps, il y a eu un satellite que les gens oublient, c'est européen, IUE, c'est-à-dire International Observatory Explorer, qui a observé la planète pendant presque une dizaine d'années. Il avait donné un résultat formidable, celui que la lumière émise par la planète, c'est le rayonnement solaire rétro-diffusé par l'atmosphère. Quand le flux solaire augmente, l'émission de la planète augmente. Par la suite, on a eu la sonde donc Cassini qui est arrivée en 2004 jusqu'en 2017. Il a un problème, un gros problème, celui que l'émission mesurée par certains instruments peut passer du simple au double en allant d'un instrument à l'autre. On s'est dit, pourquoi ne pas utiliser Hubble ? Simultanément, une campagne d'observation simultanée, Hubble-Cassini. Et donc comparer les deux émissions à la même date pour pouvoir étalonner toutes les données et remonter depuis 2017 jusqu'en 1980. À partir de ces observations-là, conjuguées de Cassini et de Hubble, vous avez pu déterminer que, d'une certaine façon, les anneaux de Saturne pleuvent sur la planète. Comment ça s'est manifesté, ça, visuellement ? Je crois que vous avez préparé des images aujourd'hui, notamment une qui est assez parlante, pour montrer et mettre en évidence cette interaction des anneaux de Saturne avec l'atmosphère de la planète. Décrivez-moi cette image. On a besoin des modèles. C'est-à-dire, on savait, avec Cassini, le grand plongeant, qu'il y a des particules qui tombaient dessus. Donc maintenant, sur le plan énergétique. Donc, en étudiant, c'est-à-dire la rédémission d'Iman alpha, on sait, par des mesures de laboratoire, lorsqu'une atmosphère est froide, l'arrêt est immense. Lorsque l'atmosphère est un gaz est chaud, l'arrêt devient plus large. Et là, dans cette région-là... Là, c'est plutôt la région entre l'équateur et le nord. 30 degrés de latitude. La largeur de l'arrêt, elle est beaucoup plus large qu'ailleurs. Donc, on a de la matière qui tombe, et en même temps, il y a un chauffage, et on sait où. Alors, comment ce chauffage s'effectue ? Donc, comment on arrive à obtenir un chauffage de l'homme ? C'est la matière qui tombe, c'est tout bête, c'est-à-dire en chute libre. C'est quasiment des bolides, des nanoparticules, chauffées, elles vont s'évaporer, elles vont relâcher de la chaleur dans l'atmosphère, et donc ça va chauffer. Sinon, il y a des molécules aussi qui peuvent se dissocier par l'ultraviolet, et donc former des atomes d'hydrogène chaud, et donc les deux hypothèses sont, disons, équivalentes. Le résultat final, c'est qu'on a une zone beaucoup plus chaude que ce qu'on attendait et qui n'a pas pu être détectée par tous les instruments auparavant. Et là, on a la clé pour l'observer même dans le futur. Cette observation, elle est particulièrement intéressante et belle parce qu'elle va un peu à l'encontre de l'image qu'on se fait des anneaux de Saturne qui seraient très statiques et qui finalement tourneraient dans une valse infinie autour de la planète. Là, il y a vraiment une interaction qui est mise en évidence avec cette étude-là et on se rend compte que ce sont des milieux très dynamiques et un peu chaotiques également. Comment est-ce qu'on explique que ces anneaux de Saturne tombent sur la planète par petite quantité quand même, proportionnellement à la taille globale des anneaux? Et comment on explique cette interaction-là? Quels effets, finalement, ont pu être aussi mettre en évidence d'interaction entre la planète et ses anneaux? La matière tombe à partir des anneaux par l'impact de micrométéorites. Ça tape sur les petits objets que forment les anneaux, depuis le centimètre jusqu'au mètre, et donc ça va donc extraire de la matière. De la même manière aussi, on a l'effet des photons solaires très énergétiques, donc elles vont arracher de la matière. Et donc cette matière, une fois qu'elle est arrachée, sous l'effet de la gravitation, elle va tomber sur là. La suite de cette étude, c'est creuser encore ces observations-là, ces données-là recueillies pendant près de 40 ans par plusieurs missions différentes pour comprendre encore plus finement ces interactions entre les anneaux et l'atmosphère de Saturne. Elle a des enjeux aussi, cette étude, je crois, pour l'observation d'exoplanètes et la découverte d'exo-anneaux autour d'exoplanètes. Comment est-ce que cette approche-là va pouvoir nous permettre de comprendre que certaines exoplanètes qu'on n'observe pas directement ont des anneaux? La première remarque, c'est que vous pouvez constater qu'aucun exo-anneau n'a été détecté jusqu'à aujourd'hui, ni aussi d'exolune. C'est des objets très difficiles à observer. Et donc, ce changement de composition et le bilan énergétique qui a changé à l'intérieur de l'atmosphère va laisser des traces sur la façon dont une exoplanète peut émettre de la lumière ou bien absorber de la lumière. Et donc, en général, lorsqu'on regarde les exoplanètes, on regarde en transit, c'est-à-dire lorsque la planète va passer devant son étoile. Et donc là, on a des signatures spécifiques, c'est-à-dire précises, que j'espère, c'est en cours, donc je ne peux pas vous donner plus de résultats, mais je vous tiendrai au courant dès la première détection. Merci Antoine Beauchamp pour ce reportage. Une réaction, Aurélien Crida, à ce qu'on vient d'entendre? Oui, c'est ce phénomène, pour moi, il est très important et il a en fait deux implications. La première, c'est que les anneaux perdent de la matière à mesure qu'ils sont bombardés par les microparticules. Et donc, ça suggère qu'ils peuvent s'auto-nettoyer et ainsi résister à la pollution, ce qui revient à dire que l'âge d'exposition dont je vous parlais au début n'a rien à voir avec leur âge réel. Et ça, maintenant, c'est une observation. La deuxième implication, c'est que au rythme où les anneaux perdent de la masse par ce phénomène de pluie, les anneaux de Saturne vont finir par disparaître. Et c'est ce phénomène-là qui va dominer leur évolution plutôt que la viscosité qui fait qu'ils s'étalent. Et ils vont s'éroder comme ça. Et ce qui est probable, c'est que ça a déjà eu lieu autour d'Uranus et Neptune. Parce que le phénomène de formation des satellites à partir des anneaux dont je vous parlais tout à l'heure, il donne une répartition de la masse et de la distance des satellites bien spécifique qui correspond parfaitement à ce qu'on observe autour de Saturne, mais aussi autour d'Uranus et Neptune. Et donc, ce qu'on a postulé, prédit en 2012 avec Sébastien Charnoz, c'est que Uranus et Neptune avaient aussi eu des anneaux aussi massifs que ceux de Saturne qui avaient donné naissance à leurs satellites. Mais on ne savait pas comment ils avaient pu disparaître. Et donc là, on arrive à tout remettre ensemble. Donc, c'est plutôt satisfaisant. Bruno Sicardi, vous aussi, votre réaction? Moi, je dirais que l'inverse se produit également, puisque j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est que des corps comme Charicle ou Chiron pourrait éjecter du matériau. C'est-à-dire, c'est pas les anneaux qui tombent sur le corps central, comme dans le cas de Saturne, mais le corps central qui éjecte du matériau et qui forme des anneaux. Donc, vous voyez que, dans ce cas-là, un phénomène exactement inverse, où c'est pas les anneaux qui tombent, mais c'est les anneaux qui montent depuis la planète et qui forment un anneau autour. On parle dans quelques instants des anneaux qui nous intéressent, en particulier ceux de Kouawar. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. 16h48 sur France Culture, avec Aurélien Crida et Bruno Sicardi, nous parlons des anneaux planétaires. Dans une étude parue dans la revue Nature le 8 février dernier, Bruno Sicardi, vous décrivez Quawar, un corps céleste transneptunien, 505 km de rayon et un anneau qui circule à 4100 km de Quawar. Cet anneau de Quawar remet tout ça en question, car logiquement, il devrait s'accréter en satellite en quelques semaines ou quelques années. Alors, comment expliquer ce phénomène ? Bonne question. Donc en fait, déjà, la surprise a été qu'on observe cet anneau très loin. Donc il est à peu près au double de la limite de Roche. Donc il devrait s'accréter effectivement sur des échelles de temps très courtes. Et très courtes, ça veut dire quelques années. Alors il se trouve qu'on l'a observé sur plusieurs campagnes d'occultation qui s'étalent sur 5 ans maintenant. Et on le voit tout le temps. Donc ça veut dire que quand on me demande l'âge de l'anneau de Quawar, je dirais c'est plus de 5 ans et c'est moins de 5 milliards d'années. Donc il y a de la marge encore. Et en fait, il y a une partie très dense qui occupe à peu près 10% de l'orbite totale, hein, qui est quasiment opaque, ou une épaisseur optique très forte, c'est-à-dire qui absorbe l'essentiel de la lumière de l'étoile qui passe à travers, et une partie très ténue. Alors, on s'est posé la question, soit on a beaucoup de chance d'observer ce phénomène et qu'il va disparaître dans quelques années, ce qui n'est pas très satisfaisant comme explication, soit, en fait, il se trouve qu'il y a eu des mesures de collision, de coefficient de rebond de particules de glace qui ont été faites en laboratoire dans les années 80. Et on a lancé des particules de glace les unes contre les autres et on a vu comment elles rebondissaient. Donc, il y a ce qu'on appelle un coefficient de rebond. Si c'est zéro, ça veut dire qu'elles restent collées l'une contre l'autre. C'est complètement inélastique. Et si c'est égal à 1, ce coefficient, elles repartent avec la même vitesse. Donc, c'est parfaitement élastique. Et donc, avec cette loi-là, on a bien expliqué les structures et le positionnement en particulier des anneaux de Saturne. Donc, tout marchait bien. Et puis, il y a eu d'autres mesures de laboratoire qui ont été faites à des températures plus basses que la première expérience et qui ont montré que pour des températures plus basses, les collisions étaient plus élastiques. Donc, et personne n'a vraiment utilisé cette loi plus élastique puisque la première, si vous voulez, marchait. Et donc, il y avait un collègue qui travaille à l'université de Oulu en Finlande avec qui je collabore actuellement et qui a dit à l'époque, j'avais déjà dit, tiens, qu'est-ce qui se passait si on utilisait la deuxième loi ? Et puis, bon, la vie est toujours agitée, il faut faire des demandes de crédit, on a des papiers à écrire, tout ça. Donc, faire des choses qui, apparemment, ne sont pas vraiment nécessaires et qui, de toute manière, on avait déjà une explication pour les anneaux de Saturne, ce n'était pas très engageant. Donc, il a repris ses simulations et, aux surprises, en utilisant cette nouvelle loi de collision, il s'est aperçu qu'au niveau actuel donc, de l'anneau de Quawar, on peut maintenir un système et les particules, en gros, pour faire simple, repartent l'une par rapport à l'autre à une vitesse suffisante pour qu'elles échappent à leur gravitation mutuelle. Et donc ce qui manquait dans le critère de Roche, alors Roche lui a fait ça au milieu du 19e siècle, c'est la vitesse des particules. C'est-à-dire, le critère de Roche est un critère statique, c'est-à-dire on prend deux particules, à l'intérieur de la limite de Roche, elles sont immobiles l'une par rapport à l'autre, elles s'attirent ou elles sont écartées par les forces de marée. Mais cette composante vitesse n'a jamais été prise en compte dans le critère de Roche et il semblerait que ça soit le critère important. Alors c'est tout simple et ça paraît un peu bête une fois que l'on arrive à ce genre de simulation, mais en fait on s'est aperçu que pour des collisions relativement élastiques, bien que les forces de marée soient faibles et qu'elles ont tendance à s'accréter, en fait elles repartent l'une par rapport à l'autre à une vitesse suffisante. Et donc les simulations numériques qui sont présentées dans l'intérêt de Nature, donc en parallèle avec les observations, montrent que pour cette loi de collision, qui a été mesurée en laboratoire, donc ce n'est pas une loi que nous on a inventée, une loi ad hoc si on peut dire, c'est une loi vraiment expérimentale, ça montre que l'anneau se maintient sous forme collisionnelle et ne s'accrète pas. Et donc pour vous donner une idée, c'est un petit peu, à un moment donné, il y a quelques siècles, on disait qu'un oiseau ne pouvait pas voler à cause du principe d'Archimède. L'oiseau est plus dense que l'air, donc si vous prenez une pomme, un bout de bois, il tombe par terre, hein, parce que la poussée d'Archimède due à l'atmosphère n'est pas suffisante. Mais l'oiseau, il vole, et il a une certaine vitesse. Et bien que, donc il viole complètement le principe d'Archimède, un oiseau dans le ciel devrait tomber tout de suite. Et pourtant, on voit des oiseaux tous les jours voler. Et donc, il a une certaine vitesse par rapport à l'air. Et c'est l'ingrédient vitesse, en fait, qui est important. Comme pour cette limite de Roche, en fait, si les particules vont l'une par rapport à l'autre à une certaine vitesse, c'est un ingrédient de plus. Donc on est passé un petit peu, on est en train d'expliquer des choses qui semblent évidentes maintenant, mais qui n'ont jamais été vraiment explorées. Donc c'est pour ça que je veux dire, c'est assez extraordinaire, parce que la nature nous montre des choses qui auraient pu être en fait déjà explorées il y a 40 ans. Parce qu'on avait les simulations, on avait les mesures de laboratoire, et on aurait très bien pu dire il y a 40 ans, les anneaux peuvent exister à l'extérieur de la limite de Roche. Très bien, merci à vous deux pour ce voyage dans notre système solaire. Et puis, on revient donc sur notre bonne vieille Terre avec la chronique de Gilles Boeuf, une chronique hebdomadaire, le pourquoi du comment. Merci. Bonjour à tous, je vous parlais aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'eau. L'eau, cette molécule banale H2O, qui est la clé du vivant. Si la vie est sur la Terre, c'est parce que l'eau liquide y était là. Et la vie, c'est quoi? C'est une cellule, donc une membrane, qui sépare de l'eau à l'extérieur et de l'eau à l'intérieur avec des échanges en permanence. Tous les êtres vivants, ça, je vais vous le garder à vie dans votre tête, sont faits d'eau liquide, du coronavirus jusqu'à l'humain. Cette molécule est essentielle dans l'histoire du vivant. La vie est apparue dans l'eau de mer il y a à peu près un peu moins de 4000 millions d'années. Et cette cellule initiale a tout déclenché, elle s'est divisée bien sûr. Et entre l'eau intérieure dans la cellule et l'eau extérieure, il y a des échanges permanents. Un bébé humain à la naissance, je le crie toujours quand la maman le prend dans ses bras, c'est trois quarts d'eau liquide, vous imaginez un petit peu. C'est pas fait pour laver sa voiture, c'est une molécule tellement importante dans le vivant. Un humain, en gros, il nécessite dans sa vie à peu près 75 000 litres d'eau en boisson tous les jours et en alimentation de bonne qualité pour sa physiologie propre. Ne l'oublions jamais, il y a des pays qui n'ont même pas ça à offrir en fait à leurs humains. Tout ceci nous rappelle le rôle et l'importance de l'eau. Le sang humain contient des sels. Cette eau, elle dissout des sels qu'on appelle des électrolytes. Ils déclenchent une pression osmotique. Par exemple, le sodium, le potassium, les chlorures, qui illustraient bien l'origine de la vie dans l'océan ancestral. Pourquoi est-ce que dans un sang humain, il y a 142 millimoles de sodium et 105 millimoles de chlorure, C'est super intéressant. En fait, chacun d'entre nous a un petit océan au sein de lui-même, trois fois moins salé que le grand océan, le grand frère. Il est intéressant de comparer la composition de l'eau de mer et celle du sang et de regarder un peu ce qui se passe. Les deux milieux sont constitués des mêmes éléments, de l'eau liquide, des sels, dans des proportions différentes bien sûr. Et ceci souligne bien l'origine du vivant en milieu marin. Cette eau biologique dans les organismes et les écosystèmes a dilué des sels qui jouent un rôle d'électrolyte. Ça veut dire que ces électrolytes sont des sels dissous qui développent une pression osmotique avec un rôle électrique. Alors l'océan, il est salé à 35 grammes de chlorure de sodium par litre, ce qui déclenche une pression osmotique qu'on sent en milliosmoles de 1050. Et le sang humain est à 302. Tous les humains, où qu'ils soient, garçons, filles, grands, petits, ont 302 milliosmoles de pression osmotique. Et l'océan, 1050. C'est intéressant d'y réfléchir. En fait, le sang humain est contrôlé, mais l'océan aussi, finalement, depuis la nuit des temps. Et c'est ça qui détermine les flux d'eau et de sel. L'eau migre toujours du milieu le moins concentré vers le plus concentré. Ce qu'on appelle bien sûr l'osmose. Et ça va conditionner toutes les capacités adaptatives des êtres vivants à pouvoir ou non changer de milieu au cours de l'émigration. L'anguille naît en mer, le saumon naît en eau douce, mais vont pouvoir aller dans les autres milieux. Le poisson en eau douce, lui, en fait, ne va jamais boire d'eau et il fait pipi en permanence. Il élimine de l'eau en permanence, très diluée et abondante, alors qu'en mer, le même animal, une anguille ou un saumon, boit en permanence de l'eau de mer et l'élimine des sels par la branchie. Il fait très peu d'urine. Ce qui fait que c'est très intéressant de réfléchir un petit peu comment, à peu près sur 35 000 espèces de poissons, 350 peuvent passer de l'eau de mer à l'eau douce ou l'eau douce à l'eau de mer. La vie est bien différente entre le milieu aquatique et le milieu aérien. Et le passage de la vie à la vie terrestre de l'eau de mer fut un épisode essentiel de l'évolution du vivant sur la Terre. Il y a 1 milliard d'années pour les bactéries, 1,5 milliard d'années pour les espèces plus complexes, les champignons, les plantes ou les animaux. Dans l'eau, le milieu est beaucoup plus visqueux, beaucoup plus dense, ce qui complique les échanges gazeux respiratoires. Si je prends un volume d'eau de mer en équilibre avec l'air, en gros, il contient 30 fois moins d'oxygène. Donc aujourd'hui, on peut dire que la ressource en eau douce est moins disponible. On voit ce qui se passe avec le changement climatique. Le Pô est à sec, la Loire aussi a des gros problèmes. Les glaciers continentaux fondent, les rivières et les fleuves ont les débits qui s'écroulent. Le niveau de la mer va monter, il monte en ce moment. Et les activités humaines ont fortement pollué cette eau liquide des fleuves, des rivières et des lacs, si essentielle. Donc il est grand temps de réagir et de stopper ces gaspillages insensés de l'eau et de respecter infiniment plus cette molécule essentielle qui a été oubliée. L'eau, la molécule oubliée, un drame pour l'humanité. Merci. Merci Gilles pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. C'était un générique qui ne part pas. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Merci à Antoine Beauchamp, Noémie Maguet de Saint-Vulfranc, Nafi Terrasse, Garance Prima Agnolo, Céline Lozen, Mariam Ibrahim. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Nicolas Bonnet. Cette émission se podcast sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.